fait, c'est quelque chose de simple. Parce que l'argent, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas, l'argent, c'est juste. C'est pas une réalité, quoi. C'est un truc qu'on a dans sa tête. Un truc subjectif. Hein? Donc. Et pourtant, ben, on ne peut pas vivre sans argent. Là, il y a un problème, évidemment, c'est un peu bizarre. Hein? Parce que quand on est. En tant qu'individu, bien sûr, on est impuissant devant ce problème-là. Hein? Tout le monde, là, vit avec l'argent, donc on est obligé de faire pareil. Donc on est obligé de faire comme si on ne pouvait pas se passer de l'argent. Alors qu'on voit bien que l'argent n'existe pas. Donc si l'argent n'existe pas, ben, on devrait pouvoir vivre de ça. Il n'y a pas de raison. Hein? Donc le problème, c'est qu'on est vivant effectivement impuissant. On ne peut rien dire. Parce que dans le fond, se passer de l'argent, ça voudrait dire, bien sûr, que tout le monde se passe de l'argent. Il faut que ça soit collectif. Hein, simultané et puis universel. Alors, c'est là où, évidemment, quand on est jeune, en plus, on ne voit pas du tout comment traduire ça concrètement. Hein. Évidemment, ça semble impossible. Même. Donc, on fait avec l'argent. On fait comme tout le monde. Et comme on fait comme tout le monde, on s'engage dans la vie, puis après, ben voilà, on ne sait pas faire sans argent, puisqu'on est coincé. Quoi. Alors que pourtant, on sait très bien que l'argent n'existe pas. Donc, c'est ça le problème. C'est ça qui est assez bizarre. On se retrouve coincé, tout ça, c'est un effet psychologique, simplement. Ce n'est pas une réalité. Et on se retrouve coincé comme si l'argent était une réalité concrète, intangible. Et donc, finalement, on vit d'une manière dénaturée, puisqu'on n'est plus en accord avec la réalité. On vit dans une logique collective qui est fausse. Hein, qui est fausse. C'est, on vit dans une... société artificielle, comme ça, subjective, hein, où tout le monde croit que c'est ça la réalité. Donc en fait, finalement, tout le monde est déconnecté de la réalité. Hein. Petit à petit, on s'enfonce. Puis finalement, tout le monde, comme ça, court après du vent, en croyant que c'est la réalité, et il faut être réaliste. C'est-à-dire qu'au nom de la réalité, un réalisme économique, ben, on détruit la réalité, on détruit la nature, on détruit, on tue. Hein, on sombre dans des espèces d'hystérie et de paranoïa collective. Hein, on peut voir qu'actuellement, la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3 milliards d'êtres humains, sombre comme ça dans l'hystérie collective. Et puis l'autre moitié, ben, on voit bien que c'est par ça, mais on est impuissant, on ne peut rien dire. En plus, on est d'autant plus impuissant, on ne peut rien dire, qu'on est dans une république, on dit qu'il y a la démocratie c'est voter, les élus sont élus, les élus ont le pouvoir, les voix du peuple. Ils sont au pouvoir, ils ont approprié l'État. Et puis qu'est-ce que disent ces élus qui ont le pouvoir? Mais ils disent rien contre ça. Mais aussi, ils encouragent l'argent, et on a toujours plus besoin de l'argent pour soi-disant s'occuper du chômage. Mais c'est toute cette logique qui crée le chômage, bien évidemment. Hein? Donc finalement, le peuple, lui, qui a voté, puis les élus ont le pouvoir, le peuple, il reste sans pouvoir et sans voix. Et sûr, on est impuissant et on ne peut rien dire. La démocratie, c'est pas du tout les élections. C'est ça qui est marrant. On arrive à faire croire que la démocratie, c'est les élections, mais c'est pas du tout les élections. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est pas le pouvoir des élus du peuple. C'est pas le pouvoir d'élus qui se disent élus d'un peuple, machin, truc, de gauche, ou je sais pas. C'est une populace ou d'un groupe de population. Quand on dit le pouvoir du peuple, le peuple, ça veut dire tout le monde, l'ensemble des individus. Quand on dit le pouvoir du peuple, ça veut dire, exactement, ça sous-entend par. Ça sous-entend, en fait. Par opposition au pouvoir d'une clique d'individus qui s'approprient à l'État, pour être au pouvoir, c'est-à-dire imposer leur violence personnelle, en prétendant qu'ils représentent un peuple. Mais un peuple, voilà, c'est toujours un peuple, une populace, un groupe social, une classe sociale, tout ça. Mais là, la société, il n'y a pas de classe sociale, c'est une invention des petits bourgeois, des intellectuels, ça, qui créent, qui inventent l'histoire de classe sociale. Il n'y a pas de classe sociale, il y a des secteurs d'activité, il y a des gens qui font telle ou telle activité, c'est pas parce qu'ils font du travail manuel, que le travail manuel ce serait soi-disant inférieur, donc c'est des classes inférieures, les gens ignorent parce qu'ils travaillent manuellement, alors que quand on est instruit, on a des diplômes de Saint-Chavant, parce qu'on croit qu'on est intelligent parce qu'on sait lire à écrire, c'est pas intelligent de savoir lire à écrire. On apprend ça quand on est gosse, dans la petite école, on ne se souvient même pas d'avoir appris à écrire, en fait. Hein? Donc il n'y a rien d'intelligent du tout en soi de savoir lire et écrire. Hein? L'intelligence, c'est la conscience d'abord. On est conscient, conscient plus la science, ça fait on a l'intelligence. La science, apprend, c'est le savoir, si on veut, mais c'est pas le savoir qu'on apprend dans les livres, c'est le savoir en étant conscient. La conscience, tout être humain a une conscience, et cette conscience de la réalité qui fait qu'on apprend la vie, on acquiert un savoir. Un savoir, c'est pas forcément dans les livres. Et là, dans les livres, on peut trouver des gens qui expriment ce qu'ils ont découvert, mais c'est parce qu'ils l'ont découvert, parce qu'ils avaient une conscience. C'est la conscience d'abord, hein. Le langage, ça permet d'exprimer ce qu'on conçoit bien. Hein, ce qui s'exprime clairement, non, ce qui se conçoit clairement, pardon, s'exprime clairement. Mais il faut d'abord concevoir avant d'exprimer. Hein, il faut être conscient. Les mots, eux, ça veut dire, les mots, c'est vivant. Hein, ou c'est une ripouille sur un support. C'est pas le mot parce qu'on va répéter le mot et qu'on est conscient, forcément. Il faut d'abord être conscient de la réalité que le mot désigne. Hein, si on n'est pas conscient, ben, le mot, ça ne signifie rien. On lui donne la signification qu'on veut, mais ça ne sert à rien. Ça peut donner l'illusion d'être intelligent, mais on n'est pas intelligent du tout. Et c'est ce qui passe avec les intellectuels qui croient qu'ils apprennent dans les livres. Le savoir, ce n'est pas dans les livres, c'est dehors. Hein, le gai savoir, voilà, le vrai savoir, le gai savoir, c'est dehors, dans la vie, c'est quand on se confronte à la vie. Qu'on acquiert à savoir. Voilà, donc on voit là, d'ailleurs, nos intellectuels de gauche, c'est presque un plus menace, voilà, les intellectuels de gauche, hein, qui se croient savants parce qu'ils ont le petit savoir, ils ont fait leurs études, etc. Alors on croit être appartenir à une élite, et puis que le peuple s'ignore, il faut instruire le peuple, on est au pouvoir, etc. Alors ça donne les intellectuels de gauche avec leurs idéologies. L'idéologie, c'est. C'est rien, l'idéologie, c'est une façon de rationaliser la société, parce qu'on ne la comprend pas, on fait une espèce de raisonnement, ça donne illusion parce que ça a l'air d'être logique que c'est la réalité. Mais non, c'est une idéologie. Une idéologie, ça, c'est le déni de la réalité, genre, parce qu'on ne comprend pas et on veut se donner l'illusion de comprendre. Donc on est au pouvoir avec ça, le pouvoir, c'est imposer l'idéologie par la violence. Alors l'idéologie, il y a toujours ce mythe du peuple qui fait la révolution. Alors on dit que au nom du peuple qui fait la révolution, il n'y a pas de peuple qui fait la révolution. Le peuple, ça ne fait pas la révolution. Le peuple, par des finances, c'est non violent. C'est les petits bourgeois qui font la révolution au nom du peuple. Hein, et qui se mettent à couper les têtes ou encourager à couper les têtes au temps de la résidence française. On ne voit pas comment la violence, ça peut être la liberté. Comment on peut croire que tout pouvoir, c'est imposer sa violence à une population au nom de la route, c'est la liberté. Où est la liberté? La liberté. Souvent qu'il y a la violence, on ne peut pas être libre. On ne peut pas être libre, c'est-à-dire libre d'être humain. L'humain, c'est une collectivité, c'est le peuple. Le peuple, c'est la collectivité, c'est ça l'être humain. L'être humain, c'est un être vivant unique, fait avec, enfin, des constitués d'individus. Il est évident que l'être humain peut exister que si les individus vivent ensemble. S'il y a une violence comme ça, ben, ça désorganise le vivant qu'est l'être humain. Donc on ne peut plus vivre en être humain. On est soi-même un humain si on est intégré à cet être humain collectif, à cet être vivant collectif qu'est l'être humain. Hein? C'est-à-dire si on est intégré, si on est intégré psychologiquement, si on est conscient de cette réalité-là. Si on comprend que soi-même, tout seul, on n'est pas soi-même, on n'est pas l'être humain parfait, tout ça. On est juste qu'un singe dégénéré, si on est à ce moment-là. On est humain que si on est intégré, si on est conscient de la réalité que l'être humain, c'est les autres. Les autres et soi-même, bien sûr, pas s'oublier. C'est ça l'être humain réel. Hein, les autres, c'est pas l'enfer. Là, l'enfer, c'est les autres. C'est Sartre avec son existentialisme. Hein, ben non, les autres, c'est le paradis, en tout cas, c'est ça. Les autres, c'est Adam et Ève au paradis. Adam et Ève, c'est une imagée de puissance, montrer que l'être humain, c'est cet être humain collectif. Hein. Et puis la femme, bien sûr, c'est partie de l'être humain. Une race inférieure ou comme ça. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce symbole, cette façon symbolique, là, désigner l'être humain dans les ailes, ça montre bien que c'est aussi qu'il y a un rapport avec la sexualité. C'est à ce moment-là qu'on découvre l'autre. La sexualité, c'est pas simplement le sexe, et puis baiser, etc. En restant dans sa petite bulle, en croyant que l'autre, c'est juste un objet sexuel pour se faire vers l'autre. Montrer qu'on est un homme, parce qu'on a baisé, on s'est bien bandé, on a baisé, oui, on est un homme. Mais non, c'est pas ça. La sexualité, c'est qu'on peut prendre conscience qu'il y a l'autre, que l'autre, malgré la différence, justement, la différence physique, c'est pas un autre, c'est l'être humain. Et c'est ça l'être humain. Hein, l'autre, c'est l'être humain, et les autres, et là, on comprend qu'on prend conscience de cette réalité que l'être humain, c'est les autres. C'est là où on prend conscience d'une réalité. Alors, il me semble, quand on est jeune, ça, on découvre ça là, pendant son passage entre l'enfance et l'âge adulte. C'est quand on comprend ça qu'on devient réellement adulte à notre âge. Sinon, si on ne comprend pas ça, ben on reste dans son égotisme, là, dans son égocentrisme infantile. L'enfant, lui, il est dans sa bulle égocentrique, ça c'est normal, c'est l'enfant, c'est normal. Mais quand on sort de l'enfance à 14 ans, justement, on sort de sa bulle, c'est là où on découvre les autres plus concrètement. Hein? Alors, et ça, c'est un âge intermédiaire, on n'est plus un enfant, on n'est pas tout à fait un adulte, ça c'est l'adolescence. On sort d'enfance à 14 ans en moyenne. Hein? Donc, 15-16 ans, là, on sent un peu côté de ses pompes, justement, on ne se sent pas tout à fait entier. C'est là où on comprend justement qu'il y a la sexualité, que c'est l'autre, là on va devenir un être humain entier, à part entière. C'est ça, la sexualité. C'est là où justement, on comprend la réalité. C'est pour ça, hein, dans ce symbole là dans les œuvres, ça met bien en évidence ce rapport. C'est là où on s'aperçoit que certains ne comprennent pas ça. Donc ils restent enfermés dans leur bulle. Donc du même coup, ils ne comprennent pas l'humanité. Ils voient l'humanité simplement comme un truc vaste, plus ou moins hostile, dans le fond, une masse, et bien sûr, comme ils sont enfermés dans leur égotisme, eux, ils considèrent qu'ils ne sont pas partie de cette masse, et ils croient qu'il y a des individus supérieurs, tout ça, puis alors, ils voient ça, la société, à ce moment, comme une société hiérarchisée, avec une masse, donc les classes inférieures, puis alors, les classes supérieures, alors, bien entendu, on veut partie des classes supérieures. Hein, ça donne comme ça des petits bourgeois qui... les petits bourgeois, c'est une expression, moi j'en parle comme ça, c'est bien du Bourg-Burg, c'est en allemand, c'est le château fort. Hein? Donc, ce petit bourgeois, c'est un individu qui s'enferme dans son château fort, dans son égotisme, comme dans un château fort. Quoi. Il est bouclé, et voilà, il a peur des autres, hein? Puis il s'enferme, puis il a peur des autres, puis il a peur des autres, puis il s'enferme. Hein? Voilà, petit bourgeois. Donc, qui considère donc les autres comme ça, qui considère la société comme une société violente, et, etc. Hein? Ou tout est régi par la violence. Mais la violence, justement, c'est juste un fantasme des petits bourgeois, c'est pas la réalité. Parce que la violence, ça divise, et donc ça empêche les troubles. La violence, c'est l'argent. Et finalement, l'argent, c'est la conséquence de la violence, c'est débile, la violence, c'est l'argent. Ben, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité objective de l'être humain, justement. Hein? C'est un phénomène subjectif. C'est le fait de l'individu qui, justement, reste coincé, comme ça. Il reste coincé, il dépasse pas très grand âge mental, finalement. Voilà, donc c'est ça l'argent finalement. L'argent c'est la conséquence de la violence. Pour ça l'argent on n'arrive pas à saisir, c'est pas une cause l'argent. Hein? Alors on voit, souvent on dit, l'argent c'est les autres. Bon, c'est pas tellement les autres, ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. L'argent c'est d'abord soi-même, il faut d'abord commencer à balayer dans sa porte. Alors d'autres ils disent carrément qu'ils trouvent des boucs émissaires, donc les méchants riches, les méchants capitalistes. Ben, alors là c'est pire, parce que si on. Ce problème, parce qu'on ne comprend pas sur des bouclières qu'on accuse de l'argent, ben, on accuse les autres de quoi? De soi. C'est intéressant parce qu'on peut se dire pas tout qui est responsable de l'argent, ben, et on peut dire que les criminels, en quelque sorte, se désignent eux-mêmes. Ah oui, c'est socialiste, social-marxiste, c'est ça. Vous savez qui bétonne l'argent? Puisqu'on, avec l'idéologie social-marxiste, ça laisse croire que l'argent, c'est une vérité. Il y a les méchants bourgeois qui gagnent de l'argent, mais alors c'est moi, socio-marxiste, il ne passe pas de l'argent. Hein? Allez, donc l'argent, ça a l'air d'être une réalité à ce moment-là. Il fait croire que l'argent, c'est une réalité concrète. Alors, souvent, on ne risque pas de comprendre et résoudre le problème de l'argent si on voit les choses comme ça. Hein? On a vu tout ce qu'a devenu le socio-marxiste depuis 70 ans. C'est-à-dire maintenant qu'il y a encore des jeunes qui gobent idéologie et croit à la réalité, c'est déjà vu. Hein? C'est curieux avec tout ce qu'on a vu. Enfin, on voit bien que c'est faux, ça. C'est subjectif. Hein? Donc, le problème et la solution d'autre au problème, hein, c'est simple. L'argent, c'est pas les autres, hein, c'est soi-même d'abord. C'est une idée qu'on se fait soi-même. C'est l'idée subjective qu'on se fait des autres. Mais l'idée subjective qu'on se fait, c'est pas les autres. Les autres sont pas l'idée subjective qu'on s'en fait. Les autres, la société, l'humanité, c'est pas l'idée subjective qu'on s'en fait. Justement, c'est ça le problème. Donc, il faut comprendre ça. Il faut voir au-delà de cette idée subjective et comprendre, justement, que les autres, c'est pas des ennemis. Les autres, c'est l'être humain. Voilà. Hein? Donc, si on commence à comprendre ça, ben alors là, on peut comprendre qu'on peut se passer de l'argent. Hein? Oui? Parce que l'argent n'existe pas, donc forcément, on peut s'en passer. Mais il suffit de le dire, tout simplement. Il suffit de le dire publiquement. Personne ne dit ça, que l'argent n'existe pas. Alors, il suffit de le dire. Le dire publiquement, officiellement, parce qu'on est dans une société où on a un État, un chef d'État, et c'est ce chef d'État qui parle. Hein. Soi-même, tout seul, on peut parler, on peut diffuser dans la rue, personne ne l'entend. Il n'y a que le chef d'État qui peut parler, et quand il parle, tout le monde entend, tout le monde est obligé d'entendre. Alors, c'est lui qui peut dire que l'argent n'existe pas, on peut s'en passer. Hein. C'est lui, il peut donc proposer quelque chose. Donc, proposer quoi ? Ben, proposer... Évidemment, ce n'est pas le chef d'État qui... Il n'a pas de pouvoir, le chef d'État. Il est là pour représenter le peuple, hein, démocratiquement, le peuple. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Pour ça, il faut donc que le peuple soit représenté à la tête de l'État par un individu. L'individu, c'est un être humain. Il montre bien que le peuple, c'est pas le peuple, c'est une notion ça, abstraite, on se sert du démagogue, là, pour pas être au pouvoir au nom du peuple. Le peuple, c'est une réalité, c'est les êtres humains, c'est des individus. Donc le chef d'État, c'est un individu, et comme il est un individu à tête d'État, ben, il montre bien que le peuple, c'est des individus. Le chef... Ouais. Bon. Donc le chef d'État, il est en connaissance le porte-parole de tous les individus qui constituent le peuple. Hein? Donc il n'y a que lui qui peut parler. S'il y a un individu qui a envie de dire quelque chose, eh ben, le chef d'État, si un individu veut essayer de se faire entendre, il ne peut pas parler tout seul. Hein? Non, il ne peut pas se faire entendre, des millions, dizaines de millions, tout ça. Le chef d'État, quand je parle, bon, le peuple, la population, les individus entendent. Donc, on peut dire, l'argent n'existe pas, on peut s'en passer, et c'est le chef d'État qui peut dire ça. À ce moment-là, tout le monde est obligé d'entendre, et tout le monde est obligé de le voir. Évidemment, l'argent n'existe pas. Personne ne peut nier cette évidence. Hein? Alors, si à ce moment-là, le chef d'État dit ça et que tout le monde voit, ben, tout le monde ne cessera de dire, mais l'argent c'est des autres, moi je ne peux pas m'en passer. Parce qu'à ce moment, tout le monde verra que l'argent n'existe pas. Donc on pourra se passer de l'argent. Il suffira de le décider. Mais à ce moment-là, c'est pas le chef d'État qui va décider ça. Il n'a pas de pouvoir, le chef d'État. Il n'a pas le pouvoir d'imposer aux autres. Non, il n'est pas démocratique, il n'est pas représentant du peuple. Le chef d'État, son pouvoir, c'est éventuellement de s'opposer à ceux qui veulent prendre le pouvoir pour imposer leur violence. Hein? C'est ça le rôle du chef d'État. En sens, c'est un pouvoir. Autrement, la tête d'État, le chef d'État n'a pas le pouvoir d'imposer une violence sur le peuple, bien sûr. Hein, le chef d'État, il est là pour montrer que l'État est au service du peuple. L'État, c'est pas c'est un cadre administratif, c'est pas pour non plus pour imposer un pouvoir aux gens et obliger à marcher comme ça, leur dire ce qu'il va faire. L'État est là pour, au contraire, permettre aux individus de vivre en être humain. Justement. Hein, on voit là actuellement comme c'est complètement l'inverse. Hein, tout le monde est obligé de travailler, de gagner du fric pour que ça rapporte du fric, parce que les types qui sont propriétaires ont besoin du fric. Tout le monde est écrasé en plus de... Alors ça, c'est con, mais de la partie administrative. C'est-à-dire c'est les gens qui doivent faire l'administration, non, qui permettent aux types qui sont au pouvoir de mieux imposer leur violence, leur pouvoir. C'est quand même le monde de l'absurde. Hein, tout est inversé, là, complètement. Hein, c'est là où on voit ces démagogues au pouvoir, ils utilisent l'État pour eux. Plastronner, pérorer, il vous fait les complicables, se voter des petites boy bands, etc. Et puis assurer leur rente viagère éventuellement, parce que quand on est passé au pouvoir, ben après on a son petit réseau, ça on peut monnayer. C'est complètement inversé, l'État est complètement corrompu. Hein, on peut le voir. Bon, pour sortir de ce que cette démagogie qui détruit la vie collective, hein, les démagogues, c'est ce qu'on appelle des démagogues, les élus, types qui se font élire au. Là, c'est plutôt au temps de l'Empire romain, c'est-à-dire l'Empire romain décadent, j'ai dit c'est ça, ben, la République c'est ça, on a l'impression que la République s'est fait retourner la France au temps de l'Empire romain décadent, ok, c'est ça. Hein? C'est la République, on subit ça depuis 200 ans. Hein? Qui fait la France, hein, en français, tout ça, c'est qu'un siècle d'histoire. Hein? C'est pas la République. Hein? La République singe la France. La France est une société libérale au 18e, c'est la référence d'ailleurs. La langue française, c'est la langue qu'on parlait dans toute l'Europe. La langue de la diplomatie, la langue pour faire la paix. C'est dans toute l'Europe, c'était toujours la bagarre, le Moyen-Âge, les anglo-saxons protestants au nord, les ultra-catholiques au sud, hein, tout ça, la France, bah, justement, c'était pas ça. Donc, la République, la Révolution, bah, tout ça, ça fait régresser, on retourne en Empire romain, au temps de la barbarie, tout ça, ça a mélangé deux. Quoi. Hein, donc, pour redonner au peuple son pouvoir, bah, il faut faire un référendum. Le référendum, hein, on a ça dans notre constitution en France, une exception française. Hein. Le référendum, ça permet de rendre au peuple son savoir et son pouvoir, et qui permet de déterminer, décréter lui-même sa, la société dans laquelle il veut vivre. Ben, la société dans laquelle on vit, c'est une société où on se passe de l'argent. On prend de l'argent, il ne sait pas, et qu'on peut s'en passer. Hein, ça va foutre le bordel, au contraire, c'est exactement le bordel. Hein, ça va, c'est ça le problème. Il faut comprendre. Alors, ça peut paraître utopique de dire, mais on peut passer de l'argent, mais c'est pas réaliste ça. Mais ce qui n'est pas réaliste, c'est ce qui se passe actuellement. De croire que c'est réaliste de continuer à détruire la planète, tout ça, au nom de l'argent qui n'existe pas. En croyant que c'est ça la réalité. C'est ça qui n'est pas réaliste. C'est là le problème. Le principe du référendum, c'est de poser une question de fond pour obliger tout le monde, à amener tout le monde à prendre conscience de la réalité. C'est ça le principe du référendum. Poser une question pour l'abolition de l'argent, évidemment, c'est à tout le monde de se décider. Hein. Ça ne veut pas dire, quand on fait un référendum, on pose la question et la réponse est oui ou non. Hein. Oui ou non pour l'abolition de l'argent. Chacun a le droit de dire ce qu'il veut. S'il y a des gens qui veulent croire que l'argent existe, ben, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. Hein, on peut croire à Allah, à je sais pas quoi, au Père Noël, tout ce qu'on veut, au monstre pastafarien, tout ça, et on croira à l'argent, mais personne n'a le droit d'imposer sa croyance aux autres. Et ceux qui n'ont pas envie de croire, parce qu'ils voient bien que cet objet, la croyance, ça n'existe pas. Personne n'est obligé de croire à l'argent. Non. C'est ça la démocratie. L'argent, ça n'existe pas. Qui pourrait prouver que l'argent existe? Hein, ça n'existe pas. Alors pourquoi on serait obligé de croire que l'argent existe? Pourquoi on serait obligé de croire qu'on ne peut pas se passer de l'argent? C'est ça la démocratie. Tout le monde a le droit de choisir. Et alors, à ce moment-là, le référendum, tout le monde. Le référendum, si le président de la République, chef d'État, commence en Hollande, ben c'est bien, après tout, il est toujours servi l'État, il peut servir à quelque chose. Donc s'il propose un référendum, s'il parle publiquement, ben, évidemment, dans le monde entier, tout le monde va ça se propager dans le monde entier, ça. Hein? Un chef d'État qui dit l'argent n'existe pas et puis je propose un référendum pour que tout le monde puisse se prononcer, partout dans le monde, tout le monde est confronté à ce problème de l'argent. Hein, on voit les Américains avec Trump, 100 milliards, tout le monde voit bien que c'est absurde. Poutine, là, qui arme frénétiquement en armement nucléaire, parce qu'il dit que la Russie est régressée, tout ça, donc il veut se défendre, soi-disant, c'est un personnage paranoïaque, Poutine. Comme tout personnage paranoïaque, il se croit agressé. Comme il se croit agressé, bien, il veut être violent, il veut détruire, il l'agresse. Hein, comme tout personnage paranoïaque, il croit que la réalité, c'est l'ennemi. Hein, il ne supporte pas la réalité, ça l'agresse. Hein, on voit les musulmans là, qui se prosternent, le sur le front pour absolument se croire à leur truc, la vérité d'Allah transmise au prophète machin par la franchise. C'est quoi ça? C'est, on est dans la paranoïa. Ça veut rien dire ça. La vérité d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils connaissent en secret des dieux, donc ils se prennent pour Allah. Quoi. C'est absurde. Ça, c'est de la paranoïa. Trump et ses milliards qui croient que la vie, ça consiste à gagner des milliards, ça va courir après du fric. Il est dans la paranoïa. Les Chinois qui achètent frénétiquement tout ce qu'ils peuvent là au nom du communiste d'État, c'est quand même absurde. Hein? Donc il faut sortir de cette paranoïaque. Et sortir de la paranoïaque, c'est justement dire la vérité. On est dans une société où tout le monde ment au langage, ça sert à mentir, ça sert à créer une fausse réalité, à travestir la réalité. On peut voir comme les élus, quand ils parlent, c'est pour mentir, systématiquement. Donc pour sortir de ces paranoïaques, c'est simple, il suffit de dire la vérité. La vérité, l'argent, il n'existe pas. On peut s'en passer. C'est pas l'être humain. La violence, c'est pas l'être humain. Hein, la violence, ça détruit l'être humain, ça désorganise l'être humain. Et comme ça désorganise l'être humain, ben, ça fait croire qu'il faut l'ordre, la loi, tout ça. Mais c'est ceux qui prétendent faire l'ordre, qui imposent leur violence et qui désorganisent. Donc plus ils désorganisent, plus ils se servent de ce prétexte pour prétendre pouvoir faire la loi. Ben, c'est une spirale infernale, ça dégénère dans la violence, dans la corruption, et puis c'est corrompu, puis on voit les incorruptibles prétendent être les seuls capables de corriger tout ça, d'être parfait et tout. Il faut l'homme fort, il faut être violent, il faut être pouvoir, il faut monter contre le pouvoir, il faut savoir tuer, etc. On peut voir qu'actuellement, c'est Hein, on bascule, on sombre dans le totalitarisme, dans la dictature, l'extrême droite. Hein, on voit que c'est inéluctable. Hein, on sombre dans la paranoïa, forcément. Dans une société où tout le monde ment, comment on pourrait sortir de cette logique qui conduit à la paranoïa? Il faut dire la vérité. La vérité, l'argent n'existe pas, on peut s'en passer. Et l'argent, bien sûr, la violence, en fait, hein, implique la violence. La violence, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité de l'être humain. Et de violence, c'est pas être libre. Comment on peut croire qu'on est libre s'il y a des gens qui imposent leur violence? C'est compliqué à comprendre. Hein, la violence, c'est la liberté de vivre en être humain. Hein, de vivre collectivement. L'être humain, encore une fois, c'est quelque chose de collectif. Il ne peut pas y avoir de violence entre les individus qui composent cet être humain, sinon il n'y a plus d'humanité. Il n'y a plus qu'un troupeau de singes, hein, constituant, conforme, contribuable, tout ça, qui croit obligé de courir après du front, de l'argent, avoir des petits objets électroniques, et ça, parce que c'est ça. Il faut faire, il faut consommer des illusions d'être libre. Hein, l'illusion d'être libre, c'est quoi? Consommer, on va certifier leur chose. Parce que les gens ne se sentiraient pas libres s'ils ne pouvaient pas consommer. C'est absurde, c'est façon que. Ouais. Ah, oui, d'accord. Donc voilà le référendum qui propose d'abolir le référent, ben, résoudra le problème. C'est ça la solution du problème, tout simplement. Et ça, voilà. Évidemment, dit comme ça, ça, pour l'instant, je parle, c'est irréaliste. Et, évidemment, c'est des mots, ça, les irréalistes, mais il faut comprendre, il faut essayer de comprendre la réalité. Il faut essayer d'imaginer un peu, hein, la réalité, c'est le chef d'État, c'est Hollande, qui dit ça, qui prononce ces mots-là. Hein, on va dire, mais s'il fallait, il est fou, il nous sort encore celui-là. Après cette première réaction, ben, tout le monde se rendra à l'évidence, ben, c'est ça en fait. Hein? Et à ce moment-là, on pourra passer, pour comprendre, on peut vivre sans argent, on peut vivre sans argent, c'est ça la société humaine. Hein? Mais il faut passer à l'acte, c'est un passage à l'acte, mais un passage à l'acte collectif, comme un seul homme, c'est qu'à le dire, parce que l'humanité, c'est en fait un seul individu. Hein? Et ben, pour se faire ce passage à l'acte, c'est le référendum, c'est ça. Ça permet à tout le monde de passer à l'acte en même temps, de comprendre en même temps, hein, collectivement, universellement, de décider, on se passe de l'argent, effectivement. Hein? Alors on propose un référendum, je suis qu'un simple constituant anonyme, lambda et anonyme, et comme on est dans la démocratie, qu'en principe il y a un chef d'État qui est le porte-parole de tous les individus, si un individu a une idée qui semble utile pour la collectivité, ben c'est le cas, moi il me semble que j'ai une idée qui apporte la solution, ben c'est le rôle du chef d'État de transmettre ses propositions, c'est son devoir. Hein, il est là pour ça, le chef d'État, il n'est pas là pour imposer sa vision des choses, il est là pour permettre à la population de s'exprimer. C'est son devoir, hein, légalement, c'est son devoir de proposer certains notes, pour permettre aux Français, aux gens, de déterminer eux la société dans laquelle ils veulent vivre. C'est ça la démocratie. Hein, c'est ça. Donc légalement, on peut, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait dans le cadre légal. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas imaginer changer la société en faisant des petites manifs dans son coin, etc., avec la petite machin. C'est pas comme ça qu'on change la société, il y a des dizaines de millions de gens, il y a des institutions. Il faut passer par là. Il faut comprendre ces institutions. Hein, ils ont une utilité, ces institutions, en fait. Donc il faut les utiliser. Hein, et ces institutions, ben, ça permet effectivement au peuple de parler. Avec le principe de la démocratie par référendum. Hein, la 5e République, c'était fait pour ça, c'est pour qu'il y ait un responsable à la tête de la République, à la tête de l'État. Parce qu'avant, on décrétait le président de la République irresponsable. Ça veut dire que le peuple était irresponsable. Donc c'est les élus, la démagogue, s'appropriaient l'État, puis faisaient n'importe quoi. Puis tout est dégénéré régulièrement. On peut voir que dans l'histoire, la République, chaque République se termine dans la bérisa et dans la folie meurtrière. Les deux dernières crises, la première guerre mondiale, plusieurs millions de morts, deuxième guerre mondiale, plusieurs dizaines de millions de morts. Puis là, on va tout droit à une troisième guerre mondiale, sauf que c'est une guerre nucléaire. Hein. Alors là, ben, il n'y aura plus d'un compter les morts. Il n'y aura plus personne pour compter les morts. Donc on voit bien qu'on est devant un mur. Là, il faut passer les choses, passer à l'acte collectivement. Passer à l'acte, ça veut dire comprendre que l'argent, la violence, donc, parce que l'argent applique la violence. Proposer de l'abolition de l'argent, ça veut dire, comprendre que la violence, c'est pas la réalité. Hein, c'est implicite, si on veut. L'argent, c'est la conséquence de la violence. Hein. L'argent et la violence, c'est une seule et même chose. C'est comme une médaille, ça fait deux faces. Hein. Ouais. On ne peut pas séparer les deux faces. Hein. Tant qu'il y a la violence, il y a l'argent. Tant qu'il y a l'argent, c'est implicitement qu'il y a la violence qu'on ne peut pas se débarrasser. Hein. Voilà, donc c'est ça le référendum. Hein. Ça oblige tout le monde à prendre conscience de la vérité, que l'argent c'est inutile, et donc il n'y avait pas lieu d'être violent contre les autres, de craindre les autres, d'avoir peur des autres, de l'humanité. Il n'y a pas à avoir peur que si on supprime la violence, on va perdre son indépendance. Il n'y a pas d'indépendance, là, quand on vit comme ça devant un bout de singe, dans sa petite bulle. Hein, où est l'indépendance, on est dans sa petite bulle, on est aliéné, au contraire. Hein, c'est une illusion d'être indépendant des autres. Et on a la liberté de quoi ? La liberté de consommer, d'avoir son petit galette, et des trucs comme ça. C'est pas ça la liberté, c'est pas ça la vie. Hein, c'est pas de courir après les gens, après l'argent, pour consommer. C'est une illusion d'être vivant. Hein. Voilà. Donc la solution, c'est donc le référendum, tout simplement. Merci. Est-ce que des personnes ont déjà des remarques, questions à faire ? Vas-y, Bruno. 1, 2, 3, 4 avec moi, derrière. J'ai juste me contenter de deux points. Le premier, quand vous expliquez que l'argent n'existe pas. C'est-à-dire que, tel que j'ai compris votre description, c'est on a pris un quantitatif, l'argent, et on a voulu faire croire que c'était un substantif, une matière. Et voilà, alors que c'est juste une unité de mesure. C'est comme si on disait, je suis plus riche parce que j'ai plus de grammes. De grammes de quoi ? Ça n'existe pas. Hein, et le deuxième point, c'est, vous avez plusieurs fois répété, croire en l'argent, la croyance en l'argent. Ce qui tout de suite, moi, me fait penser, l'argent, en fin de compte, c'est une religion, et on a tiré d'une légende des religions auxquelles les gens veulent croire, et on a tiré de quelque chose qui n'existe pas, l'argent, une réalité, une pseudo-réalité, auquel on doit croire pour que ça fonctionne. Et en fait, si on arrête d'y croire, ça ne marche plus. C'est bien ça. Merci. Il y a un mystère que j'aimerais bien que tu éclaircisses quand tu parles d'idéologie. Pourquoi ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ont honte de ne pas en avoir, et ceux qui sont très riches, ils savent très bien que s'ils sont riches, il y a des pauvres, ils n'ont jamais honte. Oui. De multiples réactions. Effectivement, l'argent, oui, est une idéologie. Par contre, quand on parle avec les gens, quand on leur ils sont très facilement convaincus, on va dire ça comme ça, sur le papier dans la discussion. Mais derrière, les questions sont le comment on fait. Et là, malheureusement, dans le comment on fait, dans votre discours, vous justifiez ça. Avec quelqu'un qui provient d'un État, avec une parole, vous avez parlé de président. Or, effectivement, dans une société idéale, et on en parle souvent dans un atelier, pourquoi pas le président, on l'écoute, mais là, très clairement, les présidents, on les écoute plus trop. Même les futurs présidents, là, on est dans une phase d'élection. Et finalement, on parle de quoi ? On parle de d'emploi fictif. Et pour le coup, l'argent n'est pas fictif, entre guillemets, mais ça vole, entre guillemets, très très bas. Et finalement, les vrais problèmes, s'il y en a un qui émerge, malheureusement, vu de l'actualité avec ce qui s'est passé à Aulnay-sous-Bois, mais encore une fois, il faut qu'il se passe quelque chose pour que les gens, tout d'un coup, se disent « Ouh là, il y a un problème !» Alors que le problème, ça fait super longtemps qu'il existe et qu'on n'a jamais réellement fait quelque chose pour le résoudre. Donc là-dessus, le référendum, je suis aussi interrogatif par rapport à ça, parce que finalement, le référendum, ça dépend comment il est fait. Je vais vous prendre l'exemple de la loi travail actuelle, là, qui est passée, contre laquelle on est un certain nombre à s'être battus, où on propose des référendums dans les entreprises. Mais le souci, c'est que le référendum, si on dit à ses salariés, bah, en gros, je dis n'importe quoi, hein, il faut que j'élimine 20% de la masse salariale, mais c'est parce que je souhaite garantir que l'usine va rester ouverte. Et là, déjà, c'est biaisé, parce qu'on met quelque chose dans la balance, et du coup, bah, les gens vont voter pour la baisse d'effectifs, parce qu'ils vont se dire dans leur tête, ah bah oui, mais moi je vais peut-être faire partie des 80% qui vont rester. Et du coup, le référendum est complètement flouté. Donc il faut faire très très attention avec les référendums, parce que des fois ça peut avoir l'effet inverse. Et justement, si c'est le président qui est au pouvoir et qui n'est pas forcément aimé, parce que soit il fait pas ce qu'il a dit qu'il allait faire, bah voilà, il peut y avoir un vote contraire juste pour dire parce qu'on est contre le président. Après, j'aime beaucoup la vision du bourgeois, je la connaissais pas, du monsieur dans un château. Et ça m'est juste, ma dernière réflexion, c'est qu'effectivement, on est tous dans des cases. On nous a tous mis dans des cases. Et alors après, c'est une, comment dire, c'est un truc personnel, mais j'ai l'impression que ça arrive vraiment quand on commence à arriver au collège, en fait. Parce qu'encore en maternelle primaire, on a encore un peu des bébés. Et on arrive, et là on a tous les stéréotypes. Moi je sais que j'avais les mecs qui écoutaient du rap, j'avais les mecs qui écoutaient de la techno, les gens qui écoutaient du rock, et chacun s'habillait avec leur code. Alors pourquoi pas, sauf que ces codes ont été récupérés par des entreprises, et c'est devenu un moyen mercantile et un business. Et on revient sur cette question d'argent. Et là en fait, de quelque chose qui est à la base, peut être très sincère. Je prends aux États-Unis quand est venu le mouvement hip-hop. Bah, en fait, les gens qui habitaient dans le Bronx, ils calculaient pas comment ils s'habillaient. Pour eux, c'était juste, bah voilà, c'est beau. Et après, c'est les marques telles Adidas et compagnie qui ont repris ça. Et le rock, c'est pareil, parce qu'on oppose souvent le rock et le hip-hop, mais en fait, c'est la même chose et c'est la même histoire. Donc, du coup, c'est voilà. Pour moi, c'est encore plus large le débat. C'est qu'il faut sortir de toutes ces cases pour effectivement sortir de l'argent. Voilà. Non, le problème de l'argent, c'est qu'on confond la monnaie et l'argent. La monnaie, le dollar, le billet de banque, les espèces sonnantes, etc. C'est juste des supports. Et de plus en plus, l'argent devient immatériel. Ça montre bien que l'argent, c'est quelque chose de virtuel. C'est pas, hein, alors le dernier truc, c'est le Bitcoin. Alors là, c'est les combles. Hein, l'argent virtuel, personne ne contrôle. Alors là, les mafieux, ça régale. Hein, parce qu'on peut faire n'importe quoi. Là, hein. Non, l'argent, ça n'existe pas. C'est pas compliqué, c'est simple, ça n'existe pas. Il hein, faut comprendre ça. Hein, c'est un effet psychologique. Hein, c'est juste un fantasme. Voilà. Ce qui existe, c'est l'être humain. L'être humain, ça, c'est un drôle d'animal, justement, avec sa subjectivité, sa façon de prendre ses fantasmes pour les réalités, prendre les scies pour les lanternes, le prendre ce qu'il crée, ce qu'il invente pour une réalité. Mais ce qu'invente l'être humain, c'est son imaginaire, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est l'être humain qui est vivant, ce n'est pas l'être humain qui s'est créé lui-même. Hein? Ce n'est pas l'être humain qui a créé la vie, ce n'est pas l'être humain qui a créé l'univers, ça, c'est la réalité. Et tout ce qu'invente l'être humain, c'est le produit de son imagination. Ce n'est pas la réalité, c'est la subjectivité. Donc si l'être humain prend ce qu'il invente pour la réalité, il se détruit lui-même. Il est dans le déni de lui-même, de sa propre nature. C'est le cas de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, les enfants de la patrie, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est des mots. C'est des mots qui essayent de fabriquer une fausse réalité qui permet à des individus au pouvoir de justifier le pouvoir. Hein, leur violence, pourquoi faire leur violence? Pour détruire la réalité, pour se donner l'illusion qu'eux, ils sont dans la réalité, étant dans la réalité, ils vont pouvoir diriger la société et imposer leur violence. C'est un truc qui tourne en rond, quoi. C'est des types qui sont prisonniers de leur propre lubie et qui sont persuadés que c'est ça la réalité, qui veulent l'imposer aux autres. Et tous les autres, alors le problème de l'être humain, c'est que l'être humain, effectivement, on peut dire, ça se divise en deux parties, deux catégories de personnes. Il y a ceux qui gobent ça, c'est-à-dire qui ne rendent pas compte, qui ne sont pas conscients de leur subjectivité, c'est-à-dire qu'ils sont réellement, qui prennent réellement des vessies pour une lanterne, en quelque sorte. bien ceux qui... Bah, c'est l'être humain, homo sapiens sapiens, hein, c'est l'homme qui sait qu'il sait, c'est-à-dire qu'il est conscient de lui-même, et notamment conscient de sa propre subjectivité. C'est-à-dire qu'il détient quand même un petit peu d'objectivité suffisamment pour comprendre qu'il est subjectif. Hein. Donc, ça, c'est l'être humain réel. Hein. Alors, il y a, ça se divise en deux, l'humanité. Donc, ceux qui croient, qui gobent les fantasmes, ils croient ça pour la réalité, donc ils vont croire les types là, qui inventent la fausse réalité. Hein. Et puis, il y a ceux qui voient bien que c'est faux, mais qui ne peuvent rien dire, là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'être humain, c'est pas violent. C'est pas la violence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand les types qui sont violents, parce qu'ils sont violents parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de leur propre humanité. Ils ont peur de la réalité. Comme ils ont peur, ils comprennent rien. Et comme ils ne comprennent rien, ils sont violents. Et comme ils sont violents, ils croient que c'est ça être un homme, c'est ça être le chef. Et puis la moitié des gens qui se reconnaissent là-dedans, qui croient, bah oui, c'est ça, c'est le chef. C'est celui qui est le plus violent, c'est la preuve que c'est le chef. Puis il s'est tué, puis c'est la preuve qu'il est capable d'être le chef. On voit Poutine, c'est exactement ça. Poutine, il répète sans arrêt, on n'est pas des bagarres, on n'est pas des gamins. Ben si, justement, c'est un gamin, c'est un gosse, c'est un Poutine, il a guère plus de 5 ans d'âge mental, et qui croit qu'être un homme, c'est tuer. Quand on est chef, on tue. Plus on tue, plus on est chef, plus on tue. Puis on est chef, puis on est chef, puis on tue. Et c'est comme ça, il n'arrête pas d'être de plus en plus violent, et actuellement, il arme frénétiquement, il vend tout ce qu'il peut aux Chinois pour essayer de gagner du fric, et s'armer de missiles nucléaires, etc., et puis il menace tout le monde. Hein, il décrète, comme tous les paranoïaques, il est déconnecté de la réalité, ça l'agresse. Hein, et sous prétexte qu'il a agressé, ben, il en profite, comme ça, pour justifier sa violence et vouloir détruire la réalité qu'il ne supporte pas. Et là, il est en train de vouloir utiliser son arme nucléaire. S'il détruit, il décrète que l'Occident, c'est l'Occident corrompu, décadent, qui agresse sa Sainte Russie, et comme il agresse sa Sainte Russie, lui, il a le devoir presque divin, parce qu'il est devenu croyant, Poutine, hein, le socio-marxiste, il est devenu ultra-orthodoxe, c'est comme les islamistes, c'est pareil. Hein, maintenant, il croit en Dieu, il est devenu théiste, tout ça. Hein, le athéiste, il devient athéiste. Et on voit ça, beaucoup de socialo-marxistes qui trouvent très bien l'islam, qui deviennent islamophiles, et puis même carrément qui se convertissent en islam. Hein, ce qu'on voit en France, il y en a plein comme ça. Hein, bah oui, l'idéologie et la théologie, c'est la même chose. Hein, au lieu de faire la loi au nom de Dieu, on fait la loi ou de Dieu, ou d'Allah, tout ça, pas quoi, ça veut rien dire, c'est un mot qui veut rien dire. Bon, c'est un peu fort ça. Hein. On peut pas baisser un peu là. Ça va saturer. Non, bon. Donc, au lieu de faire la loi au nom de Dieu, qui bien entendu n'est qu'un fantasme, hein, qui permet de justifier la violence sans assumer la responsabilité de cette violence qu'on impose, donc, on fait la loi au nom d'un peuple. Mais le peuple, c'est quoi? C'est juste un mot qui, justement, pas. On pourrait dire le peuple, bah, c'est réel. Mais non, justement. Je ne sens pas dans la bouche des démagogues, tout ça qui prétendent parler au peuple. Le peuple, c'est justement juste un mot. Il ne faut justement pas que ce soit la réalité. Les individus, le peuple, c'est des individus. Ben non, seul l'individu élu du peuple, c'est parler au nom du peuple. Dès qu'un individu se dresse, paf, on coupe les têtes, parce que c'est pas le peuple. Celui-là, c'est un individu, donc il est décrété ennemi du peuple. On coupe les têtes. C'est ce qui se passait à la Révolution française. Hein, Robespierre, l'incorruptible avocat du peuple, qui prétendait seul le représentant du peuple, il coupait toutes les têtes. Hein, personne n'osait plus rien dire, d'ailleurs. Enfin, du coup, c'est lui qui se retrouvait en tête, et c'était sa tête qui dépassait. Et il prenait peur, il venait appel au culte de l'être suprême pour essayer de se planquer. Et puis, alors, du coup, s'il se mettait à faire la terreur au nom de l'être suprême, il ne faisait plus la loi au nom du peuple pressionnaire. Donc, tous les élus, là, tous réunis, tous d'accord, ils tombaient sur le paletot en le décrétant traître à la cause populaire, et ils l'envoyaient sous sa guillotine avec son culte de l'être suprême. Hein. Voilà, ça mettait une fin à la terreur, la grande terreur, la loi du suspect. Hein. On voyait, avec Robespierre, on voyait l'espèce d'ayatollah inquisiteur moyenâgeux qui prétend faire la loi. L'être suprême, c'était transparent. Hein, c'était une façon d'essayer de reconstituer une espèce de dogme. Oui, autrement, je voulais parler. Oui, non, mais c'est pour dire, donc, au nom du peuple, au nom d'Allah, c'est la même chose. Des théologies, l'idéologie, c'est kiff-kiff. Hein, c'est la même chose. C'est une façon de justifier la violence sans assumer la responsabilité de cette violence. Hein, parce que si on est agressif, on donne tort. On donne raison à celui qui est agressé de se défendre. Hein. Et ça, on ne supporte pas, parce qu'on veut prétendre avoir raison pour faire croire que tout son monde virtuel, c'est la réalité, et c'est la réalité que tout le monde veut partager. Donc, pour revenir là, au référendum à Bédan, dans les entreprises, ça ne veut rien dire. Le référendum, il faut poser la bonne question. La bonne question qui permet aux gens de répondre quelque chose de réel. Ce n'est pas l'élu qui va poser la bonne question. L'élu, lui, il n'a pas envie de se passer de l'argent. Ce n'est pas lui qui va y avoir l'idée d'un référendum pour abolir l'argent. D'ailleurs, en ce moment, c'est ce que j'essaie de faire depuis plusieurs mois, de faire avancer ma petite idée. Les portes se ferment, justement. Hein, j'arrive pas pour l'instant à joindre le chef d'État. Alors, Hollande, bien sûr, personne ne croit. Tout le monde dit qu'il est déjà mort enterré. C'est vrai qu'en tant que président quinquennal, hein, puisqu'on a falsifié cette cinquième République, c'était le président septennal, pour bien distinguer des élections législatives quinquennales qui montrent que le président unique n'est pas là pour représenter des élus et leur démagogie, leur magouille politicienne. Le président unique, il est là, élu au suffrage universel par les Français, pour bien montrer que le président de la République, c'est le chef d'État qui représente les Français, pas un parti politique et une idéologie ou un peuple machin de gauche ou je ne sais pas où. Hein. C'est le chef de l'État, mais le président de la République, c'est ça le problème. Il y a une équivoque dans cette histoire de 5e République. Parce que la République, c'est le front d'acteur de la République, c'est le régicide. On supprime le chef d'État. Donc le président de la République, c'est le régicide en chef. Donc c'est l'anti-chef d'État. On a vu ça avec Mitterrand. Mitterrand, c'était le tueur, le régicide en chef, là, le gardien, le guide de la révolution universelle. Hein, comme il y a le guide de la révolution iranienne, ça, on voit, c'est des types, c'est des tueurs, quoi, c'est tout. Des types qui tuent, qui sont déconnectés de la réalité. Donc, Mitterrand, il corrompait tout, là, au nom de ce peuple, etc. Donc, le président de la République, c'est aussi un chef d'État. C'est ça, il y a une double face. Donc, les chefs d'État, ça, c'est l'être humain qui représente les individus, être humain à la tête d'État. Ben, Hollande, il est aussi chef d'État. Donc, en tant que président quinquennal, représentant du peuple de gauche, etc., c'est-à-dire président démagogique, officiellement, il était le chef du Parti socialiste et du peuple de gauche. C'est ça son truc officiel quand il était président de la République. Ça, c'est le démagogue. Alors, il a reconnu qu'il n'avait pas de pouvoir. Ben, évidemment qu'il n'a pas de pouvoir. Le démagogue n'a pas de pouvoir de résoudre les problèmes qu'il va créer par sa démagogie. Mais il a reconnu. C'est la première fois qu'un élu reconnaît en exercice. C'est la première fois qu'un élu reconnaît qu'il n'y a pas de pouvoir. Ça prouve que Hollande, c'est pas vraiment un démagogue en réalité, c'est un brave type. C'est pour ça qu'il disait président normal. Ça veut dire qu'il est normalement humain, pas il ne se prend pas pour un élu supérieur en réalité. Hein, il n'est plus président de la République. Ben, c'est bien. C'est bien, il n'est plus le démagogue en chef, mais il est toujours chef de l'État en exercice. Donc il peut toujours servir à quelque chose, et notamment proposer un référendum. Ça, il peut le faire. Parce qu'en tant qu'être humain, il représente les êtres humains qui constituent le peuple. Voilà. Donc lui, il peut présenter un référendum. Et non, ce référendum, ce n'est pas un référendum bilan où on pose la question au peuple et on oblige à répondre une question qui ne permet pas de répondre quoi que ce soit. Hein, où on impose, au contraire, ça ne veut rien dire, ces référendums-là, les référendums d'entreprise, ça ne veut rien dire. Hein, c'est là, du moment qu'il y a l'argent, ça ne veut rien dire. Hein, tant qu'il y a l'argent, on ne peut rien résoudre, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas résoudre les problèmes. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Merci. En fait, moi j'irais plus dans réflexion, c'est qu'en fait, l'argent... Premièrement, pour moi, l'argent, déjà, ça montre dans quelle base on est au niveau socialement. Donc, c'est en fait, pour moi, l'argent, c'est malsain parce que ça met beaucoup de choses. C'est que premièrement, ça vous montre le niveau social où vous êtes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'argent, automatiquement, vous êtes un pauvre de la France. Si vous beaucoup d'argent, c'est que vous êtes un riche. Déjà, ça met le statut social en premièrement. Deuxièmement, l'argent, aujourd'hui... Ça a été mis, je pense, et aujourd'hui on voit très bien, c'est que l'argent aujourd'hui permet des crimes d'humanité, permet un profit énorme, permet de détruire un peuple, s'accaparer des richesses, parce que voilà, on a de l'argent et que grâce à l'argent, on peut dire à un président, je te donne 500 000, tu fermes ta gueule et puis tu m'écoutes. Donc l'argent permet aussi de faire taire le peuple. Et deuxièmement, un référendum tel que la tel que on dit qu'on en est, pour moi, on est, pour moi personnellement, je suis pour démocratie. Je ne pense pas être en démocratie. Et aujourd'hui, le référendum, j'ai juste envie de montrer par rapport au référendum sur l'Europe. Il y a bien eu un référendum, sauf que la population a dit non. Et aujourd'hui, on est en Europe. Donc un référendum avec un pouvoir actuel, ça ne sert strictement à rien. Parce que, de toute façon, vous disiez oui ou non, les politiques font selon leur sous-conviction et pas selon la conviction du peuple. Bah après, sur la, je veux dire, sur l'Europe, c'était simple. Hein. C'était pas dur à répondre. Attendez, au pire, je pense que je vais finir, je vais faire tourner après. Donc en fait, je pense que je pense qu'on peut largement se passer d'argent puisque on peut partir sur un système de donnant-donnant. Ça veut dire que en créant du faire un échange de savoir ou un échange de travail, ce qui permettrait, je pense, de sortir un peu de l'argent. Et après, de toute façon, de plus en plus, l'argent, comme ça a été dit, c'est l'argent total qu'on. L'argent, par exemple, qui est en circulation, c'est un tiers de l'argent total. Donc en fait, oui, l'argent aujourd'hui, c'est plus de trois quarts. C'est, en fait, c'est que du virtuel, fait sur des PC, où c'est que des chiffres qui sont du virtuel, qui ne représentent pas l'argent en réel. Donc en fait, c'est assez. Ouais. Donc j'ai à peu près fini. Bruno, j'avais un truc. Mais vas-y, avant. D'accord, ok. Bon, alors je voulais faire quelques remarques par rapport à ce que tu avais dit. Déjà, je ne comprends pas très bien pourquoi tu nous parles de la Russie et de Poutine, parce que je crois que les meilleurs représentants de l'argent, c'est quand même les Américains, et c'est pas Trump, c'est pas les présidents non plus, c'est quand même, tu vois, Wall Street, la City, c'est des trucs comme ça, tu vois. Donc, alors, je ne comprends pas pourquoi tu nous parles de Poutine, franchement, je ne sais pas. Alors, non, tu nous parles aussi de la paranoïa, les Américains, ils sont complètement paranoïaques. Ils ont commencé à relancer la politique des missiles avant Poutine. Donc, je ne sais pas non plus, je n'arrive pas à te suivre. Je ne sais pas d'où tu tires tes trucs, mais tu vas nous le dire, je ne veux pas. Mais enfin, effectivement, tu as raison. Hein. Après, l'histoire de l'argent, je ne comprends pas très bien non plus où tu veux en venir, parce que toutes les relations sociales sont basées sur des symboles. Donc l'argent, que ce soit l'argent ou autre chose, ou un statut, un titre, une position, tout est basé sur le symbole. Donc effectivement, si tu te bases sur les besoins vitaux, alors là, on est débarrassé des symboles, tu connais la liste, hein, on bouffe, on chie, on pisse, on baise. Voilà, c'est un. Hein, et puis voilà, et on peut rester dans nos caves, mais dans nos grottes. Mais donc, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Il se passe qu'il y a un développement de puissance extraordinaire au niveau de l'organisation, au niveau. Donc la puissance est là. Elle est là comme la puissance des armes. Elle est là comme la puissance de n'importe quoi. En fait, le problème que tu poses, c'est celui de. Enfin, c'est du même genre que celui de la Boétie, hein, avec le principe de la servitude. C'est-à-dire, il dit, mais pourquoi on continue à obéir à des chefs alors que, franchement, on pourrait tous se soulever et puis faire partir les dirigeants. C'est un peu le même problème. C'est-à-dire que les dirigeants sont des êtres symboliques. Ils gouvernent, je veux dire, ils ont leur pouvoir grâce aux symboles qui le représentent. Et je suis d'accord. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Mais tu ne peux pas dire l'argent est absolument inutile puisque, justement, c'est ce qui permet le développement de la puissance. Donc, y a un problème. Je veux dire, on peut pas s'en passer comme ça, quoi. Je vais m'arrêter. Alors, je vais faire très vite. Pour le problème de l'argent qui n'existe pas, bon, je suis plutôt d'accord. Il y a fondamentalement, il y a quelque chose qui est vicié dans l'argent, dans la notion qu'on a de l'argent. Par contre, pour le référendum, avant de pouvoir faire un référendum qui va dire on supprime l'argent, il va falloir convaincre les gens d'abord. Et donc, je pense qu'avant d'envisager le référendum, il y a un gros travail d'éducation. et de prise de conscience à faire. Parce que je suis persuadé que 80 ou 90% des gens vont dire « Mais non, mais on a besoin d'argent, comment tu veux faire sans ?» Peut-être juste sur ce point-là du référendum. En effet, la question posée comme ça, sans qu'il y ait d'abord eu tout un travail de réflexion auprès des personnes, soit que ce soit sous forme de jury citoyen ou autre, Oui ? D'accord, donc je ne finis pas. De toute façon, on s'arrête d'ici 5 minutes. Donc, le principe du référendum, c'est justement que les gens, avant, sont subjectifs, ont une attitude subjective par rapport à l'argent. Le référendum, c'est justement pour les obliger à prendre conscience objectivement de la réalité. Donc avant, les gens vont dire « c'est pas possible ». Mais justement, une fois qu'on fait le référendum, c'est là où les gens ont été obligés de prendre conscience de la réalité et de se rendre compte « bah si, c'est possible ». Mais c'est le fait du référendum lui-même qui a la clé. C'est pas seulement la question, c'est le fait du référendum lui-même. C'est le fait qu'il y a un individu dans la société qui officiellement, donc tout le monde l'entend, dit « l'argent n'existe pas, on peut s'en passer ». Tout le monde va dire d'abord « mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là, il est fou ». Et tout le monde va être obligé de dire bah, « non, c'est vrai, c'est ça, c'est la réalité ». Tout le monde est obligé de dire de passer de l'autre côté du miroir, de sortir de ce comportement subjectif qui consiste à croire que l'argent, on ne peut pas s'en passer. C'est ça le référendum, c'est pas seulement la question posée, c'est le fait même du référendum qui fait qu'un individu officiellement représentant la population dit officiellement l'argent n'existe pas, on peut s'en passer, je propose que tout le monde se prononce là-dessus. Et là, tout le monde le dira, bah, d'abord, on pose la question oui ou non, hein, chacun choisit, réfléchit. Donc tout le monde dira d'abord, bah, non, c'est pas possible. Mais là, justement, il y a un débat. Le débat, le principe du référendum, c'est d'obliger tout le monde à prendre conscience, à débattre, à prendre vraiment conscience de la réalité. Et là, une fois que tout le monde prend conscience de la réalité, tout le monde dira, bah, si, c'est possible, en fait. Hein? Voilà, c'est là, justement, le principe du référendum. C'est d'obliger tout le monde à prendre conscience d'une réalité que tout le monde refuse de voir. Parce que tout le monde fait comme tout le monde. Parce que l'argent, c'est les autres. Donc, moi aussi, je fais avec l'argent. Donc, je crois que l'argent existe. Et tout le monde fait comme tout le monde, c'est le principe des moutons de Padurge. Hein, un mouton, il ne sait pas où il va, il ne sait pas où aller, il se dit, bon, ben, les autres vont par là, ils sont majoritaires, je les suis, sans comprendre que tous les autres moutons, c'est autant de moutons qui chacun tient le même raisonnement. Et tout comme ça, tout le troupeau ben, se prétit dans le vide sans. Ben, c'est ça l'humanité actuellement avec l'argent. Hein, on peut voir comme l'humanité, tout le monde se précipite dans le vide, là, à détruire tout, à courir après du vent, et à détruire la réalité. Hein, en croyant que tout le monde fait comme ça, ben je fais comme tout le monde. On ne peut pas se payer d'argent, ma bonne dame, faut être réaliste. Ben si, c'est pas ça, justement, la réalité. Et il faut qu'un type officiellement, qui investit officiellement d'un pouvoir de représentativité du peuple, c'est le cas du président de la République dans la 5e République, le président de la République a un statut de chef d'État, et ce statut de chef d'État, il fait que quand il parle, tout le monde l'entend. Et si ce type-là dit l'argent n'existe pas, tout le monde est obligé de comprendre, ben oui, c'est vrai, de se rendre compte, de prendre conscience de l'évidence. Cette évidence qu'il refuse de prendre conscience tant que personne ne le dit. Hein, c'est ça le principe du FM, c'est d'obliger tout le monde à prendre conscience. Alors tous les raisonnements que vous faites en disant mais l'argent, on ne peut pas s'en passer, c'est si cela, le président de Belgique, c'est Hollande, on s'en fout, il est con, il n'a pas de pouvoir. Mais non, tout ça c'est faux, tout ça. C'est pas comme ça que vous aurez la réponse. Le président de la République, c'est Hollande, le chef d'État, ça peut être n'importe qui, ça n'a pas d'importance. C'est un être humain. Non, c'est un individu. C'est un individu qui est à la tête de l'État pour montrer que le peuple, c'est des individus, des êtres humains. C'est ça, le chef de l'État. Il n'a pas de pouvoir. Il n'a pas imposé sa vision des choses. Il est là pour représenter à la tête de l'État les individus que constitue l'être humain, que constitue la collectivité, et montrer que l'État est au service de ces individus, pas au service de ceux qui s'approprient. Hein? Voilà. Donc, quand l'individu Hollande dit et propose ce référendum, tout le monde sera obligé de l'écouter. Comme quelle que soit l'idée qu'on se fait de Hollande, on dira il est couillon ou tout, mais tout le monde sera obligé de prendre conscience. Hein? Tout le monde sera obligé de prendre conscience de la réalité. Mais pour ça, tu ne réponds pas à ma question. Tu fais semblant de ne pas comprendre. Je te dis qu'aucun président, parce que c'est des démagogues, alors démagogues au couvert, ils vont pas proposer de passer l'argent. Mais Hollande, il est chef d'État. Si on propose un référendum, il est obligé. C'est la Constitution qui l'oblige. Sinon, s'il refuse, il trahit sa fonction de chef d'État, sa fonction démocratique. Donc il ne peut pas refuser. Le problème, c'est qu'on lui transmette cette proposition d'un référendum. Pour l'instant, c'est là où je bute, j'arrive pas à le joindre, pour lui transmettre cette proposition d'un homme. Si on lui transmet, il est obligé, c'est sa loi. S'il refuse, il trahit sa fonction de chef d'État. C'est la loi de la 5e République, le chef d'État est représentant du peuple à la tête de l'État. Hein, ce n'est pas à lui d'imposer son pouvoir. C'est le peuple qui est au pouvoir. Hein, il est là comme un mandataire, simplement. Hein? Donc si un individu du peuple lui dit « je propose un référendum », il ne peut pas refuser. Il ne peut pas refuser d'interdire aux gens, au peuple, de se prononcer sur cette question aussi fondamentale et évidente, sur l'argent et décréter qu'on peut faire partie de l'argent. C'est ça le principe, justement, de ce référendum. Hein? Il ne peut pas refuser. Donc si vous voyez les choses telles qu'elles sont en ce moment, puis vous raisonnez en voyant les choses simplement telles qu'elles sont en ce moment, vous ne sortirez jamais. Vous êtes prisonnier d'un truc, là, hein, devant votre miroir, et puis vous n'arrivez pas à en sortir, vous n'avez pas passé l'occasion du miroir. Pour répondre à propos de l'argent, quand on n'a pas d'argent, on est inférieur, et les riches sont supérieurs, mais justement, tout ça fait partie de la subjectivité. C'est fait partie de ces façons de croire que si on est riche, on est quelqu'un de supérieur, et on va à quelqu'un de supérieur quand on est riche. Quand on est pauvre, on ne croit pas qu'on serait quelqu'un d'inférieur. Au contraire, ça prouve qu'on n'est pas capable de courir après l'argent et qu'en enfant, on est certainement un peu plus humain que les autres, là, qui, comme des ânes, courent après du vent. Hein. Trump qui court après du fric, c'est Minard, il croit que c'est ça. Je peux bien conclure. Si t'as envie, je sais pas. Quoi conclure. Parce que t'as envie, excusez-moi, je devais intervenir. Allez. Je vous laisse alors. Merci de votre intervention. Donc maintenant, on va passer à Joanne qui vient nous parler de l'idéologie de la science. Donc on va attendre qu'il s'installe et puis après, il va prendre le relais.